Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur notre émission hebdomadaire Démocratie participative numéro 17 de cette première saison. Alors, comme à l'accoutumée, je vous invite à nous contacter si vous le souhaitez en nous écrivant à l'adresse email suivante, démocratie participative d'un seul tenant, d'un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Démocratie participative d'un seul tenant, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer, hein, cliquez, je m'abonne à la chaîne Démocratie participative. Clique, bande de salopes, et comme ça tu pourras voir, chers amis, les nouvelles productions, n'est-ce pas? Et aussi la page Facebook, ça c'est important parce que vous pouvez surtout nous envoyer des messages, ça c'est sympa, proposer des sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui nous écoutent là, proposez. C'est déjà arrivé qu'on a eu des choses intéressantes qui nous ont été communiquées. Et le nom de la page, bah, c'est la page démocratie participative. D'ailleurs, je suis content de voir que le mot ressort dans le discours public. D'ailleurs, j'ai vu Robert Ménard l'a utilisé. Alors, je pense qu'il n'a pas encore mesuré tout à fait la portée, mais on va progressivement subvertir le sens de démocratie participative à tel point qu'au bout d'un moment, ça va devenir assez rigolo. Alors, j'enchaîne immédiatement pour présenter ceux qui participent à notre émission. Vous les connaissez, je pense, la plupart. Derek, comment vas-tu? Salut Gandalf, ça va très bien. Ça va bien. Alexis, salut Alex. Bonsoir, salut à tous. Astérix. Bonsoir les amis, bonsoir Gandalf. Alors je préviens les auditeurs, hein, je m'excuse par avance, il est possible que mes excellentes interventions soient hachées à cause d'une connexion à chier, justement, je fais une rime. Pourtant, je suis dans un pays high-tech, hein. Je suis en Finlande, je suis pas au Sénégal, mais bon, même les meilleurs peuvent avoir leur moment de moins bien, quoi. Bah écoute, on tolère. Fulbert, comment vas-tu, Fulbert? Bonjour, Fulbert va bien. Toi, tu fais partie, hein, comme je dis souvent, je répète souvent, tu fais un travail sur toi-même pour devenir plus démocrate un peu plus chaque semaine, et chaque semaine, tu merdes lamentablement, hein, on peut le dire, hein, je crois. Ouais, je ne suis pas doué. Le yoga montre ses limites sur Fulbert. Ouais, c'est clair. Et Mathilde, comment vas-tu, Mathilde? Bonjour à tous, ben, ça va très bien, Gandalf, merci. Alors bon, bah moi je vous propose d'entamer cette émission en toute jovialité démocratique, hein, avec notre première rubrique inamovible et toujours aussi vibrante, autisme radical. Alors sujet numéro 1, ah ça fait couler de l'encre, hein, et du vomi aussi pour certains. Hollande, hein, François Hollande qui s'est livré, hein, dans un ouvrage qui vient de paraître, dans des confidences, voilà, au coin d'un verre, auprès de deux journalistes. Et alors, il y a une des citations qui a été beaucoup retenue par la presse, il n'y a pas que celle-là d'ailleurs, mais il y en a une qui a vraiment fait mouche, c'est la suivante: « La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. » Ça a sonné à vos oreilles, ça. Alors, je cite, hein, le passage en question, parce que, comme vous savez, il y a un bouquin qui sort, donc forcément, la presse s'en saisit, on fait mousser le truc, il y a des passages qui sont publiés. Alors voici ce qu'a dit le président actuel de la République française. D'une certaine façon, si on arrive à lui offrir, donc à la femme voilée, les conditions pour son épanouissement, elle se libérera de son voile et deviendra une Française, tout en étant religieuse si elle veut l'être, capable de porter un idéal. Il enchaîne, finalement, poursuit François Hollande, quel est le pari que l'on fait? C'est que cette femme préférera la liberté à l'asservissement. Que le voile peut être pour elle une protection, mais que demain, elle n'en aura pas besoin pour être assurée sur sa présence dans la société. Alors, c'est assez cocasse, parce qu'en fait, si on lit les passages sur ce fameux livre On sent que François Hollande, en fait, il a voulu nous la jouer moment vérité, en fait. Je laisse tomber la langue de bois et tout. Enfin, c'est complètement orchestré. On essaie de donner une coloration d'authenticité alors qu'on sait très bien que c'est complètement bidon. Et le type, en fait, quand on lit certaines déclarations, c'est un appel du pied très clair à l'électorat patriotique, quoi. C'est évident. Enfin, il y a des propos sur l'immigration. Et pas de bol pour lui. La phrase que tout le monde retient, c'est qu'il dit que voilà, la femme voilée d'aujourd'hui, ça sera la Marianne de demain. Alors, je veux votre réaction là-dessus, peut-être sur le bouquin et puis sur la phrase, quoi. Alors, pas sur le bouquin en général, mais sur ce passage-là en particulier. Donc, effectivement, tu as le passage la femme voilée d'aujourd'hui sera la femme voilée de demain. À première vue, donc, quand tu entends ça, tu te dis, mais attends, il est cinglé, c'est pour nous dire que voilà, demain on va tous porter le voile. Enfin, ça peut être compris comme ça. Après, tu regardes de plus près dans la citation. Finalement, d'une certaine façon, il faut la protéger pour qu'elle se libère et devienne française. Alors là, attention, François Hollande a presque le bras levé. C'est-à-dire que la femme voilée n'est pas française. Tiens, c'est intéressant. Je suis étonné. Comment peut-on parler de femmes? Nous, on a beaucoup disserté sur le LGBTIQ, LGBTIA, etc. Donc normalement, il n'y a pas vraiment de femmes et d'hommes. Hein. Chacun se construit un petit peu comme il veut. Donc je trouve que cet enracinement dans la biologie fasciste et réactionnaire est assez déplacé et choquant. Enfin, vraiment. Bah moi, je vais me faire un peu prophète. Là, j'entrevois déjà à l'horizon la première femme musulmane transsexuelle qui revendiquera son voile, vous voyez. Ça, je pense que ça va arriver. Écoute, ça existe déjà. Hein. Ah oui. Ça, bon, ben, je pourrais retrouver le lien. J'avais vu ça. C'était, me semble-t-il, un monstre du sud-ouest de la France, ouais, qui s'était transformé. En espèce de femme. Ouais, et convertie à l'islam. Et convertie à l'islam et qui porte le voile. Et qui s'était mariée, du coup, hein, bien entendu. Avec... Ben ouais, parce que mais... je sais pas si tu sais, mais par exemple, en Iran, là, les transsexuels, ils ont... c'est halal, hein, les transsexuels là-bas. L'homosexualité, c'est interdit. Par contre, les. Dès qu'il y en a un des deux PD qui porte, qui commence à porter le voile et mettre une jupe, ça va, c'est normal. Non mais c'est vraiment merveilleux ces pays. Hein. Mais t'es sûr que. Ouais, c'est vrai, vas-y. T'es sûr que l'opération était volontaire, c'est pas juste une circoncision qui a mal tourné? On sait pas. Alors là, ça serait de la psychanalyse ou de la psychiatrie, je sais pas, ou les deux. Du coup, enfin, en tout cas, cette phrase de François Hollande, je pense, enfin, lui, il a vraiment foiré son effet parce que moi, de ce que j'ai lu. C'était clairement de la drague en direction de l'électorat du Front National à quelques mois des présidentielles. Et puis en fait, ça foire parce que la phrase est mal structurée. Les gens comprennent l'inverse de ce qu'il veut dire. D'ailleurs, c'est intéressant de comprendre à la lumière de ces déclarations, de voir comment il comprend le fait d'être français. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pour lui, c'est pas culturel au sens strict. C'est-à-dire que c'est pas conditionné par une filiation, etc. Pour lui, c'est vraiment adhérer aux valeurs de la gauche. Donc en fait. Tu deviens laïcard, tu fais tomber le voile, ça y est, t'es français. Donc tout le monde est français à partir du moment où t'es un progressiste, quoi, en fait, en gros. Voilà. En gros, français égale partouzard, quoi. Hein, Voilà. Bon, je fais pas l'apologie du voile, hein, mais sa conception de la francité est assez intéressante. Pas du tout, d'ailleurs, en décalage avec ce qui se dit, ce qui se professe partout. Hein. Mais j'ai bien aimé, d'ailleurs, ce que t'as dit, Derek, hein, de relever le fait que, voilà, si on est une femme voilée, on n'est pas française, tu vois, c'est bah oui, c'est mais parce que tout le monde est français, normalement. Donc, Là, on apprend par François Hollande, le président de la République, que les femmes voilées ne sont pas vraiment françaises. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, je vous invite à stigmatiser. Hein, si le président de la République a dit que les femmes voilées n'étaient pas françaises, faites-vous plaisir, quoi. Hein, au boulot, partout, allez-y. Ouais, oui, sous le couvert des déclarations de Hollande, tu peux y aller, franchement. Mais sinon, Gandalf, tu penses pas que c'est justement pour donner pour tout le monde, quoi? Parce que ça peut être aussi, on sort la petite phrase, comme ça, on fait voter les musulmans, c'est un petit geste électoraliste, pardon. Et puis d'un autre côté, pour celui-là qui est un peu plus courageux, qui lit le bouquin, il se dit, ah ben non, finalement, il a pas complètement dit ça, donc il y en a pour Pour tous les goûts, non? C'est pas ça aussi? Bah peut-être oui, enfin il est. Quand même, il y a une opération de com. Parce que... Oui, oui, il y a un parce peu de la phrase, là, mais... la phrase, elle sort parce qu'il veut qu'elle sorte aussi. Mais le bien sûr, mais totalement. Mais le Pépère Hollande, si tu veux, il n'a pas compris qu'il, par rapport à la gauche réelle aujourd'hui, médiatique, petite bourgeoise, qui domine, enfin qui domine son camp. Je veux dire, Hollande là, il passe. Enfin, je veux dire, il a 1000 ans de retard. Quoi. Les autres, ils sont beaucoup plus loin que ça. À mon avis, enfin si on est, enfin si on est un gauchiste cohérent et qu'on lit ses propos de Hollande, on dit mais qu'est-ce qui lui arrive, il bascule dans le fascisme ou quoi le mec là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais, ouais, c'est un peu... D'autant plus, excuse-moi Alexis, d'autant plus qu'il y a donc il y a une autre phrase qui est sortie où il qualifie la justice française de lâche. Lâche. Alors, de lâche. Ouais. Quand on connaît un petit peu le pédigré. Des juges, hein, du syndicat de la magistrature en particulier, Hollande prend quasiment des positions de fasciste. Quoi. Ouais. Attention, ouais, moi, je pensais à la phrase aussi de Colombel et de Mosquée. Vous vous souvenez de cette phrase du général de Gaulle qui dit si ça continue, bientôt Colombel et deux églises sera Colombel et deux mosquées. Ça faisait un petit peu penser à ça. Ou à notre Jean-Marie National qui disait que bientôt le maire de Marseille s'appellerait Ben Godin. ce genre de phrase sympathique. Mais autrement, oui, c'est vrai que là... Godin ne se convertira jamais à l'islam, enfin encore que, parce qu'il est, il est de la jaquette. Hein. Exactement. Ah, c'est possible. Mais Mathilde disait qu'il fallait être courageux pour lire le livre, et François Hollande a dit que les juges étaient lâches. Ben, moi, je suis suffisamment lâche, je vais pas lire le livre. Hein. Moi, personnellement, ça ne me fait pas envie. Hein. Bah, c'est-à-dire que voir François Hollande donner des bons et des mauvais points à Pierre-Paul et Jacques, tu vois, quand tu vois le mec... Enfin bon, je ne sais pas où il va, Pépère, mais... Pour la modique somme de 18 euros, bah, je sais pas, si vous voulez vous réévoluer un petit peu positivement votre pouvoir d'achat, à mon avis, gardez vos sous. Ouais, ouais, bah, ouais, bon, on peut acheter deux bouteilles de vin. Tous les mecs qui sont inscrits au RMI, oui, ils l'auront gratuitement, ils recevront ça à Noël, t'en fais pas. Offert avec un petit mot de François Hollande. Peut-être dans les écoles primaires maintenant, dans les écoles primaires, peut-être aussi apprendre à lire, un petit peu comme Philippe Mérieux, le grand pédagogue, qui demandait d'apprendre à lire dans les notices de micro-ondes, etc. Parce qu'il fallait se mettre au niveau des masses. Par contre, un truc qui m'étonne en France, c'est que dans toutes les classes et dans tous les ministères, enfin surtout dans toutes les classes d'école et tous les rectorats, il n'y a pas encore le portrait de François Hollande. Ça, je suis très choqué de ça. Non, on devrait y avoir le portrait de François Hollande, à mon avis. Oui, en tout cas, il y a plus que de le mettre, hein, parce que là, ça va pas durer, hein, son règne. Alors, on va passer au sujet suivant. Donc, c'est assez rigolo. Ça, c'est la minute rigolax. Hein. Alors, Paris, des migrants scandent. Alors, c'est des nègres. Hein. Des migrants scandent. Il y en a marre des Français. Alors, on va faire écouter à nos amis le petit passage, là, tout de suite. Voilà, ça dure pas longtemps. Écoutez ça, chers amis. Voilà, alors c'est haut en couleur, hein, voilà, vous sentez le terroir. Donc c'est des Africains, hein, qui sont d'une coordination des sans-papiers de je sais pas quoi, parce qu'ils ont une belle banderole, hein, et ils gueulent sur le trottoir, et ils disent, voilà, il y en a marre des Français. Donc les clandos maintenant trouvent qu'il y en a marre des Français. Alors là, bon, pas besoin de théoriser pendant très longtemps, mais juste à brûle pour point votre réaction sur ce truc, là. Moi, je veux alors voir des nègres. Oui, il y en a marre des nègres. Ah, toi, tu peux pas le dire, ça. Ah mais excuse-moi. Ben moi, est-ce que je peux dire, il y en a marre des Français qui aiment les nègres et qui veulent des nègres. Non, j'ai pas le droit non plus. Bah, non, je sais pas. Moi, je propose à ceux qui nous écoutent, les gars, parce que visiblement, donc les nègres peuvent arriver dans un pays qu'ils ne connaissent pas, parler plus ou moins dans un sabir obscur, d'une façon très agressive, et dire que les Français sont trop dans leur pays, quoi. Donc ça passe. Hein. Là, le syndicat de la magistrature, on en parlait. Bon, bah lui, il trouve ça super. C'est bien. La lutte progresse. Par contre, toi, tu fais la même chose avec une banderole. Tu dis, il y en a marre des nègres, il y en a marre des... Alors là, par contre, ça va pas du tout se finir de la même façon. Ben oui, déjà, toi, tu es en situation régulière dans ton pays. donc, quelque part, t'es déjà un connard, quoi. Tu bosses, tu payes des impôts, ce genre de trucs. Donc, tu as le droit de fermer ta gueule. Par contre, l'autre, le nègre... clandestin en plus, donc situation irrégulière, qui doit se faire changer les chicots gratis avec la CMU, Ah oui. Bah oui, bien entendu, sur les chicots, les lunettes, etc., etc. Et qui viennent te Pourquoi? dire Parce qu'il y a... qu'ils lisent, les Et grands puis ça coûte lecteurs. cher de leur refaire leur chicot, hein, parce que je sais pas si vous avez vu leur dentition, mais c'est pas juste un pivot, hein, Ah la, bah, déjà, c'est de à la mon avis, chirurgie de, c'est de la chirurgie du futur, là. à mon avis, c'est plutôt de la maçonnerie. Arrivé à ce stade-là, vu la gueule des cœurs. Un coup, une fois, j'ai vu, parce que là, disons, allez, dans un élan de générosité, on va quand même dire du bien de ces gens-là. J'avais vu ça il y a peut-être un certain nombre d'années, hein, de 4 ans, 3 ans, un reportage de France 2 où il y avait, comment dirais-je, tous ces types, quoi, hein, tous les négros qui venaient de leur bled. Et on est dans une antenne médicale à Paris, je crois, c'était enfin en Île-de-France. Et donc les mecs faisaient, parce qu'on a fait, évidemment, il y avait toujours les bonnes âmes de l'extrême gauche ou du Secours catholique pour leur donner les bons tuyaux, quoi, et guider les bons tuyaux. Et donc les types allaient aux bonnes adresses et tout. Alors tu voyais, il y avait le médecin, enfin, tu sais, je veux dire, c'était l'équivalent d'un French doctor au Soudan, quoi. C'était pas le mec, on pouvait plus, c'était sur sa gueule, tu voyais qu'il était épuisé, quoi. Et le mec, il soigne un type et on voit effectivement que la peau, quoi, la peau du nègre. Et alors il y avait des taches blanches et tout. Il blanchissait, le nègre. Aussi fou que ça paraisse, il blanchissait. Et le type dit, alors on lui demande, enfin le reporter lui demande, voilà, qu'est-ce que ça donne, c'est quoi? Elle dit, alors là, je suis obligé de contacter l'hôpital truc, parce que ça c'est un truc, on ne trouve ça que dans la jungle, dans tel pays et tout. Là, ça, je peux pas traiter ça, c'est trop spécial. Donc là, c'est un traitement. Alors le truc, il coûte, enfin, à traiter, imaginez pas quoi, ça coûte une blinde, quoi. Et alors il y avait que des maladies exotiques comme ça, voilà, des trucs, alors, hyper contagieux. Alors tu vois le mec, il dit au nègre, alors le nègre, il était con comme un balai, quoi. Alors le mec, il lui dit, bon, monsieur, oui, alors il faut surtout pas que vous serriez la main aux gens, hein, parce que c'est très contagieux ce que vous avez. Vous comprenez? Alors c'est là, un gros blanc, ça, le mec. Bon, voilà. Et Non. puis il a relâché comme ça. Et donc les mecs déambulent dans les rues de Paris, si tu veux, avec des maladies pas possibles qui viennent de Centrafrique, enfin tu vois, des endroits les plus Des reculés, tribus non répertoriées. ouais, des trucs, il y a probablement des maladies qui sont même pas connues en Europe, tu vois, malgré des siècles de colonisation, de présence, etc., d'analyse, plus les recherches qu'ils font, il y a des trucs qu'ils découvrent, et ça cavale comme ça dans les rues, voilà. Terrifiant, machin, terrifiant. Ça foutait vraiment les boules, hein, je vous jure. Alors le médecin, il tirait la gueule parce qu'il disait, putain, ça se trouve, je vais choper le machin en plus. Tu vois, évidemment. Enfin Ah bon, bah voilà. heureusement que les médecins africains sont là pour nous sauver, hein, de la désertification médicale, et voilà, la boucle est bouclée, c'est l'enrichissement culturel jusqu'au bout, la gale, etc. Ah oui, la gale, Mais il y il y a a le, que la là gale. Alors il n'y a pas de dans la maladie jungle qui font profonde. ça. Ouais. Ils n'ont pas Vas-y, Thierry. réussi à trouver dans la jungle profonde un marabout qui aurait un remède à base de pisse de boa et de merde de chameau ou un truc comme ça, non? Bah, je sais pas. Là, il faudrait carrément aller Secret voir. quand même. Je peux pas certifier sur facture là, par contre. Non, je ne pourrais pas le garantir. Mais enfin, c'était assez terrifiant. Et du coup, il y a plein de maladies qui réapparaissent. Alors, c'est marrant dans la presse, si vous regardez ça, ils disent par exemple, oh, la tuberculose refait son apparition. Tu vois, ils disent jamais rien du pourquoi, du comment. Attention, la fièvre jaune arrive. Ne Ah. sous-estimons pas tout de même l'influence des anarchistes et des gauchistes en tout genre dans la recrudescence de la tuberculose, par exemple. C'est ce que moi j'appelle l'alliance des pouilleux ou des tuberculeuses. Ah oui, non, il y a la gale. La gale, ça, c'est très à la mode, à la gale. Non, mais ça a l'air de rien. Mais c'est-à-dire que toi, tu vas dans le transport en commun, tu fais pas gaffe, tu poses ta main où il faut pas, c'est bon, t'as gagné le jackpot. Putain, c'est, bah voilà, les gens redécouvrent, voilà, les vertus de la civilisation, c'est formidable. En tout cas, bon, C'est bah des voilà, donc. maladies que même en Afrique, tu les trouves pas à n'importe quel endroit. C'est-à-dire, tu les trouves vraiment dans les coins les plus pourris, quoi. La gale, c'est pas comme ça Ah ben que c'est les tu. pygmées là. Non, mais faut vraiment aller la chercher pour la trouver, quoi. Ça me fait Ah bah là, penser, moi, que c'est la France va carrément la le. chercher, hein, et Ah elle ben l'a oui, trouvée d'ailleurs. la France aime les nègres, donc. La France ne cherche plus que ça. Nous, on cherche plus du pétrole, nous, on cherche les maladies de l'Antiquité. Ben nous, mais non, nous, Ben, on s'est gouré, c'est-à-dire que on a on a compris que compris le l'or pétrole. noir, Voilà, ouais. et on s'est dit l'or noir, le quoi, hein, et puis il y a eu un problème dans la traduction, je sais pas. Exactement, ouais. Nous, c'est l'or noir, mais on s'est trompé, quoi. Non, mais ça veut dire que c'est, c'est une conspiration des lobbies pharmaceutiques qui veulent l'invasion migratoire pour pouvoir vendre leurs médicaments. C'est clair, non ? Salim Naibi sort de ce corps. Oui, il paraît d'ailleurs qu'il y a un complot mondial pour réduire la population en Afrique. Bah, j'aimerais bien que ça ait lieu un petit peu, mais j'attends toujours les preuves. C'est plus que c'était les Illuminati, alors, parce que ça marche pas. C'est exactement ce que j'allais dire. En tout cas, Jacques Attali, Emmanuel Macron considèrent que c'est une opportunité économique sans précédent l'arrivée des migrants. Donc, c'est absolument juste, mais ça dépend pour qui. Oui, d'ailleurs, ils ont les deux, ils ont un petit nez, n'est-ce pas, qui. Macron, non. Macron, ah, il a quelques courbures quand même, excuse-moi. Hein. Il est de la tribu ? Ah ben, je sais pas, mais bon, moi, je sais pas, j'ai mon groin qui frétille. Hein. Ah, mais je fais confiance à ton grand en plus. Bon, troisième point de notre rubrique autisme radical, donc après Hollande et les négros chers amis qui vous écoutez, vous êtes en trop dans votre pays, alors vous dégagez, faites-nous, ayez la courtoisie la plus élémentaire de dégager de votre pays, s'il vous plaît. Oui, il y en a marre des Français, hein, Gandalf, il y en a marre des Français. Non, on peut plus. Il y en a marre. Sujet numéro 3, non, mais sujet numéro 3. Alors ça, c'est pas mal aussi. Lagny sur Marne. Autant pour moi. Alors, leur mosquée radicale est fermée. Ils prient dans la rue en signe de protestation. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, je lis l'article, le Parisien, hein, tout ce qui est plus sérieux. Une dizaine de jeunes tiennent... Alors, c'est un reportage sur place. Donc, voilà. Une dizaine de jeunes se tiennent sur place. Casquettes et capuches vissées sur la tête pour certains. Le verbe « haut » pour d'autres. À quelques mètres, une quinzaine d'autres prient à genoux sur des tapis. Il est 17h ce jeudi sur la place Marcel Rivière. Nous sommes au cœur du quartier prioritaire Orly, parc de Lagny-sur-Marne, en face d'une école élémentaire et devant plusieurs commerces de proximité. Depuis plus d'un mois, jusqu'à une trentaine de musulmans investissent l'espace public 5 fois par jour le temps de la prière. Le vendredi, c'est au parc des sports, plus à l'écart, qu'ils se réunissent. Impuissante, disent-ils quoi, la mairie de Lagny a verbalisé quelques-uns d'entre eux et la police municipale effectue des rondes régulières. Rien pourtant ne s'en est suivi. Et les musulmans sont toujours plus déterminés. Aucun texte de loi n'encadre les prières de rue. Le maire, dans son pouvoir de police, peut toutefois considérer la chose comme un attroupement pouvant porter atteindre à l'ordre public. Au-delà de la pratique religieuse, ces prières prennent la forme d'un acte militant pour ces fidèles privés de mosquée depuis sa fermeture administrative dans le cadre de l'état d'urgence en décembre dernier, en décembre 2015. Sous surveillance des services de renseignement, la mosquée était noyautée par une poignée de fidèles, fichés S, assignés à résidence, mis en examen pour l'un d'entre eux et suspectés de lien avec l'organisation État islamique. Plusieurs d'entre eux auraient rejoint les zones de combat en Syrie et en Irak, notamment l'ancien imam radical Mohamed Amoumi, qui a fui en Égypte en décembre 2014. Alors, voilà, alors donc vous avez une mosquée radicale qui est fermée, et en fait, les musulmans protestent, ils font la grève, ils prient dans la rue, et c'est tout. Alors, imaginons, c'est quand, il y a quelques années, là, c'est l'œuvre française qui avait été interdite, avec Ivan Benedetti et Alexandre Gabriac. Imaginons qu'après la dissolution, tu es 100 mecs de l'œuvre française qui viennent dans la rue, qui disent l'interdiction, non, tu vois, on ne veut pas. Je vous laisse imaginer les réactions des pouvoirs publics. Hein. Et alors que à l'époque, c'était même pas l'état d'urgence. Là, on est en état d'urgence. T'as des boucaques qui foncent dans les gens, qui font qui tuent tout le monde. Tu vois. Des mosquées radicales qui sont fermées par décision administrative. Les mecs sont dans la rue, tranquille, peinard. Tout va bien. Et ils prient 5 fois par jour. Ah bah oui, oui. C'est pas une fois pour marquer le coup, c'est alors, toujours. Une pensée pour les riverains hein, qui doivent supporter le bruit et l'odeur de ces populaces hein, qui généralement sentent la bouffe qu'ils cuisinent, c'est-à-dire une tas d'immondices. Voilà, j'ai une pensée vraiment pour ces pauvres, pauvres gens. Dans la moitié, c'est assez difficile pour les riverains. Mais là, on sait que cela, précisément, c'est de la provocation pure et dure. Tout le monde s'en rend compte, puisque ils sont fichés S, ce sont des salafistes. Mais en fait, tous ceux qui prient dans la rue, ce sont tous des énormes provocateurs, parce que moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des musulmans un petit peu plus évolués. Et en réalité, c'est même pas musulman. C'est-à-dire qu'un musulman, il doit, y a quand même des coins verts partout, y compris dans Paris. Bon, on n'est pas aussi vert que, il n'y a pas autant de parcs qu'à Londres ou dans d'autres capitales, mais il y a quand même beaucoup de squares, beaucoup de parcs, beaucoup d'endroits verts entre Vincennes, Boulogne. Bref, normalement, une mosquée, ça, enfin un endroit de prière, ça doit quand même être un endroit qui doit être le plus épargné par les influences négatives et tout ça. Donc ces mecs vont prier en plein milieu d'une rue occidentale de koufars, de méchants chrétiens koufars avec des homosexuels qui se baladent et tout. C'est même pas musulman, quoi. C'est donc là on est vraiment dans de la provocation dans de la provocation ethnique, quoi. Non mais là tu réfléchis, tu raisonnes tu raisonnes de manière qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui l'est pas. Les prières de rue qu'il y avait eu rue Mira sur Paris à l'époque, c'était juste de la pression sur les mairies pour qu'il y ait des subventions pour construire la mosquée. Ce qui a été fait, le fameux centre culturel qu'on a vu dans l'émission de Bernard de la Villardière, dont on a parlé la dernière fois. Voilà, depuis que la grande mosquée a été construite sous financement public, ils sont plus dans la rue et maintenant ils restent tranquilles. Ouais, c'est juste ça, hein, c'est juste du chantage. Et en 2010, il y avait Marine Le Pen qui avait assimilé ça à une occupation dans la rue. Elle avait été attaquée par la LICRA, MRAP et compagnie, où elle a été relaxée en décembre 2015, fort heureusement. Soulignons mais d'ailleurs au passage que le Parlement européen avait levé son immunité parlementaire pour qu'elle puisse se faire traîner en justice. Il faut souligner quand même. Oui. Tu peux continuer, je le précise. Et pardon, et comme tu dis, aucun texte de loi n'interdit les prières de rue en France. Donc, il va encore falloir une loi, c'est ça, mais enfin, bon, qui ne sera pas respectée. C'est beau. Donc, ça sert à rien, quoi. C'est vrai que. Et là, c'est quand même des prières 5 fois par jour. Et puis, non, mais moi, je tiens à rappeler un point, mais c'est pas les prières de rue qu'il faut interdire. C'est les bougnous dans les rues de France qu'il faut interdire, mais j'arrête pas de le dire. Pourtant, Claude Askolovitch, notamment, avait écrit un bouquin pour dire qu'on pouvait très bien être salafiste, avoir une barbe d'un mètre de long, faire 5 prières par jour, y compris dans la rue, et puis être parfaitement... Être un bon républicain. Voilà. Tu lis dans mes pensées ou dans celles d'Askolovitch. Oui, bah, je vais pas trop m'étendre, mais j'ai un diplôme. Et on pourrait faire le lien avec le côté sanitaire parce que mettre un tapis de prière tous les jours sur le sol là où les chiens sont passés, où ils ont fait ce que où ils ont chié, etc. Je suis pas sûr que ce soit non plus très très favorable au vivre ensemble du point de vue sanitaire. Ah bah oui, ça. Alors chers amis, vous avez découvert avec nous les charmes de l'Agny-sur-Marne. Extraordinaire. Poursuivons, rubrique numéro 2, nouvelle rubrique, j'ai tenu à distinguer d'autisme radical, ça s'appelle dissonance cognitive. Alors ça, je présume que vous allez vite comprendre. Erreur 404. Voilà, erreur 404, c'est pas mal aussi ça, erreur 404, ça me plaît bien. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi dissonance cognitive? Alors, la formule la plus scientifique disponible dit la chose suivante. En psychologie sociale, la dissonance cognitive est une théorie selon laquelle une personne qui se trouve confrontée simultanément, donc en même temps, à des informations, opinions, comportements ou croyances qui la concernent directement et qui sont incompatibles entre elles, ressent un état de tension désagréable. Donc en fait, c'est quand t'es face à un truc, tu vois, face au contraire, en fait, tu commences à péter un câble, quoi, en gros. Hein, voilà. Donc quand les gauchistes et leur narration imposée commence à s'effondrer face à la réalité. Je résume. Oui, Gandalf, en psychologie, on appelait ça le conflit cognitif, donc ça rejoint tout à fait ton truc. Ouais, ouais, voilà. Alors, comment dire chers amis, voici ce qui se passe, voici ce qui est cité dans Causeur, relatif à une association, l'association des Asiatiques de France. Je crois que ça s'appelle le... Attendez, je raconte pas n'importe quoi. Ben, je vais lire carrément l'extrait, comme ça, au moins, ça va être clair, et vous allez voir où je vais en venir. Mais c'est assez intéressant. Jackie Troy, ça s'écrit Troy ou Troy, je sais pas comment on prononce, c'est Troy, vice-président du Conseil représentatif des associations asiatiques, donc c'est le CRAAF de France, exprime sans détour ce que beaucoup d'Asiatiques donc pensent tout bas. Là, le causeur cite cette personne. On sait très bien qui nous attaque. Ce ne sont pas des blancs, mais des gens de type nord-africain. À son image, beaucoup d'Asiatiques excédés par la multiplication des rançonnages feraient aujourd'hui passer Renaud Camus pour un militant de France Terre d'Asile. Parmi les Chinois et Vietnamiens d'Aubervilliers, on souffre du syndrome du premier de la classe, envié et tabassé par ses petits camarades. Là, on cite toujours cette personne. La France nous a ouvert la porte pour nous accueillir. On est arrivé plus pauvre que d'autres communautés, avec en plus la barrière de la langue. On s'en est sorti par le travail, c'est la différence entre eux, donc en gros les bougnoules et les nègres, et nous, donc les jaunes, quoi. Avance Jackie. Alors, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est la suite, en fait, hein, de cette fameuse manifestation dont on avait parlé des Chinois, là, à Paris. Alors, c'est erreur 404, là, formidable, Astérix, t'as raison. Les Asiatiques, ils dénoncent, en fait, la rapine afro-maghrébine, quoi. Société multiculturelle, société multiraciste, ça va peut-être être eux qui vont nous sauver, ça sera bien dommage pour nous, parce que bon, on aurait quand même de quoi se sauver nous-mêmes avec 50 millions de blancs ou 55 millions de blancs qui vivent sur notre pays. Mais ça va peut-être être le million de Shintok qui va réveiller les consciences, parce que je pense pas que les blancs antiracistes puisse accuser un Chinois de comme il peut accuser Jean-Marie Le Pen ou nous autres d'être des sous-hommes méritant l'enfer éternel machin. Je t'arrête tout de suite, tu sous-estimes le degré de folie des gauchistes. Oui, moi je pense. Si les Chinois s'en prennent aux Maghrébins, je pense que ouais, là bon ça va, ils vont se dire oui c'est vrai que quand même il y a quelque chose. Si les Chinois commencent à... Voilà, là, je vois dans l'article, on parle, un nombre de Chinois se font régulièrement détrousser par des adolescents noirs qui gravissent ainsi l'échelle de la criminalité. Si on commence à s'apprendre aux nègres, là, les gauchistes, ils vont... Ils ont un amour du nègre infini, donc... Ouais, le noir, ouais. Voilà, donc tu vois, le nègre est gentil, tu vois, Kizomba et compagnie. Ils vont prendre le parti du nègre et puis l'asiatique va être de suite classé dans la catégorie fasciste. Hein. De toute façon, l'asiatique, il a rien pour lui. Son pays d'origine, enfin la Chine, va devenir ou être déjà la première puissance économique mondiale. Donc de toute façon, c'est une enflure capitaliste. Son pays était communiste avant, donc il a tout trahi. Donc de toute façon, il est deux fois maudit. C'est un social traître. Voilà, c'est un social traître. Et puis en plus, combien de fois je l'ai pas observé quoi. Les gauchistes, ils sont débridés, sans mauvais jeu de mots, au niveau du racisme anti-jaune. Alors là, il n'y a aucun tabou. Quoi. Même c'est si, comme contre les rouquins, quoi. Ouais, c'est vrai. Même si parfois, autour du Népal, de Katmandou, de je sais pas quoi, le côté frelaté. Ouais, le côté on fume des joints, on est sympa, les gauchistes aiment bien dire que c'est une race hypocrite et tout, tu vois. Enfin, ça y va, quoi. C'est vrai, t'as raison. C'est sans tabou, quoi. Les gauchistes se lâchent sur les Chinois et ben ils ont carrément leur punching ball qui sont les rouquins. Alors, si vous êtes un rouquin et que vous croisez une bande de gauchistes, méfiez-vous, quoi. Ils risquent de vous cracher dessus, d'appeler la police. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils vont vous la faire à l'envers. Hein. Le rouquin et le punching ball du gauchiste. Et si vous êtes chinois et rouquin, c'est encore pire, quoi. Ouh, en même temps, si vous êtes chinois et rouquin. Il y a bien des musulmans qui portent le voile qui sont des transsexuels. Alors, attends. Ben voilà, quoi. Il faut vivre avec son temps, faut être progressiste un petit peu. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit là Madame Jackie 3, ou 3U, je sais pas. Je sais pas si c'est un mec ou une fille. Bah, vice-présidente, donc. Ah d'accord, autant pour moi. Voilà. c'est qu'elle raconte donc on est arrivé plus pauvre que d'autres communautés, on a la barrière de la langue, on s'en est mieux sorti. C'est vrai que on regarde aussi que par exemple aux États-Unis, tu vois, t'as les Asiatiques qui arrivent sur la côte ouest. Les mecs sont arrivés genre cachés dans des containers, tu vois, dans des bateaux. les nègres, par contre, là-bas, sont là depuis 300 ans, tu vois. Et les Asiatiques, limite, ils tiennent toute l'économie de la côte ouest. Hein. Les nègres, ils ont Détroit, tu vois. Ils sont pas foutus d'assainir leur eau potable, leur... Flint, tu vois, il y avait le scandale sanitaire à Flint. Les mecs, ils ont une eau du robinet qui n'est pas potable, qui est pleine de plomb, de, je sais pas, de Ah mais saloperie. alors j'ai lu des papiers là-dessus de la gauche, mais c'est de Huffington Post. Les mecs parlaient de racisme écologique. Bah oui, sûr, bah oui, bien sûr. Ouais, c'est. Non mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est. C'est-à-dire quand tu dis, non mais tu l'as très bien dit, Et les c'est-à-dire qu'en races fait c'est. n'existent pas, quoi. Les races n'existent pas, quoi. Partout où les Asiatiques vont, les mecs ils réussissent. C'est plus bon. Tu peux bosser avec des Asiatiques, hein, les mecs, voilà, ils sont compétents. Hein. Va bosser avec des nègres, excuse-moi. Ah, c'est terrible. Enfin, comme Non, non, mais déjà bosser c'est ça qui nègre, fait. C'est ça bosser qui nègre les du côte rend. à côte, c'est déjà dur. Ben les mecs, C'est tu ça leur qui donnes les rend. rendez-vous, s'ils arrivent, c'est que tu as de la chance, c'est mardi gras, quoi. Là, bon, voilà nos amis. Du coup, les pauvres, voilà, enfin, les Africains ont pris pour leur grade, là, tant mieux. Et Bah puis, bah, les amis. avant d'enchaîner sur un autre sujet, Gandalf, excuse-moi, mais je vais donner un petit conseil à nos amis de la communauté asiatique. Soyez des fins stratèges. Donc, parlez d'abord des arabo-musulmans, machin, mais placez les nègres, gardez-le vraiment pour la fin. De toute façon, les nègres, on s'en fout, mais parce que les nègres sont les enfants du socialisme, sont leurs petits nourrissons. Pour rien au monde, ils vous laisseront leur cracher à la gueule. En revanche, les arabo-musulmans, vous avez une petite chance de vous en sortir. Mais soyez fins, parce que vous Il êtes en moins de bêtes va de par votre survie, ribauchiste. hein. Ouais, parce que si vous êtes trop, vous les jaunes, vous, de par votre seule existence, vous démontrez trop l'antiracisme, ce qui fait de vous des cibles potentielles pour une déportation de masse. Donc faites gaffe, les gars. Moi, je pense que, voilà, vous avez pas que des avis au Parti Socialiste. On enchaîne. Alors, rubrique numéro 3. Alors là, Astérix, ça va te faire vibrer, hein. Le rayon de soleil racial de la semaine, c'est bien aussi de mettre un petit peu de baume au cœur à nos amis qui nous écoutent, et puis même à nous-mêmes, parce que, je veux dire, à force d'écouter toutes ces nouvelles très très très sombres, là, je pense qu'il est temps de mettre des choses un peu positives. Alors, Brésil, plus de 600 000 blancs de 3 États régionaux du Sud votent pour faire sécession. Là, ça devient intéressant. Je vous lis un extrait de l'article. Alors, il y a eu, comment dire, alors là, je cite directement le Washington Post. Ça a été répercuté aux États-Unis. Le décompte des 617 000 bulletins de vote du référendum qui s'est déroulé le 1er octobre s'est conclu mardi dernier, donc au moment de l'apparition, évidemment, de cet article. Les organisateurs ont indiqué que 96% des votants ont opté pour la création d'un nouvel État sur la base des 3 États du sud du pays, les États régionaux, expliquant ce choix par le fait qu'ils paient trop de taxes au gouvernement central et obtiennent bien peu en retour. Alors là, on cite un des organisateurs. Nous, dans le Sud, avons les conditions pour subvenir à nos besoins et produire des richesses. Aujourd'hui, nous générons une montagne de richesses en taxes et profits qui sont exportées, donc à destination des autres régions, et il n'y a aucune contrepartie, déclare José Gonçalves, un chef d'entreprise ayant voté en faveur de l'indépendance dans la ville de Porto Alegre. Alors. Les 3 États en question, c'est le Rio Grande do Sul, Santa Catarina et le Paraná. Ces 3 entités mis bout à bout représentent 27 millions d'habitants, dont 85% sont des blancs d'origine européenne. Hein. Donc c'est très très blanc, hein, ces trois Donc États du c'est ouais, Sud. c'est les trois États de l'extrême sud du Brésil, quoi. Près de Voilà. l'Argentine, quoi. Voilà. Alors Près je de vous donne un chiffre, l'Uruguay, parce que ouais. pour articuler le truc. Selon les chiffres du gouvernement remontant à juillet, l'État de Bahia, donc dans le nord-est du Brésil, hein, tout au nord, hein, avec une population de 15 millions d'habitants, paye moins de la moitié en taxes fédérales de ce que paye l'État du Rio Grande do Sul. Donc l'État Alors, blanc de oui, l'extrême sud du Brésil, précisons ouais. Bahia. Avec la ville très connue, hein, Salvador de Bahia, c'est un trou à rats, c'est rempli de nègres. Hein, voilà, Voilà, alors faut le c'est ça le savoir. truc, c'est-à-dire qu'en fait les blancs du sud du Brésil, qui sont à 85% dans les 3 États qu'on a dit, je répète, 27 millions d'habitants, la superficie équivaut à peu près à la France. On est sur 500 000 km² à peu près. Donc ces gens-là en ont marre, ne veulent plus payer de taxes à l'État central qui est à Brasilia, qui est complètement corrompu, parce qu'ils se disent, en fait, que les politiciens du système fédéral brésilien pompent les blancs, productifs et travailleurs, pour arroser leur clientèle de nègres, de métis immondes qui pullulent dans tout le reste du pays, et ils disent voilà, maintenant il est temps de stopper ça, on fait sécession, quoi. Référendum, 617 000 personnes, donc sur la population que j'ai dite, c'était pas un référendum, faut bien comprendre un truc, hein. C'est pas un référendum institutionnel, c'est une initiative qui a été lancée par littéralement la population. Ils ont dit voilà, c'est de la démocratie participative. C'est de la vraie démocratie participative et ça devient raciste, c'est très très positif. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Alors Astérix, toi tu connais un petit peu ce secteur là, vas-y, dis-nous quelque chose là-dessus. Ah non, je m'y connais, oui et non, je connais pas si bien le Brésil que ça, hein. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui connaissent mieux la géographie du Brésil que moi. Disons que moi je connais un petit peu le Brésil pour avoir vécu à Madère et avoir connu des communautés brésiliennes, mais pour le coup qui venaient pas des trois états dont on parle là. Des communautés de Brésiliens, c'était des nègres bourrés de crack, avec qui avait une dent sur deux, enfin bref, c'était vraiment les pires cassos que moi j'ai croisé dans ma vie, et j'ai un petit peu voyagé à travers l'Europe. Les Brésiliens, c'est ce qui m'a fait le plus peur, c'est vraiment des regards, ils sont possédés, quoi. Ils sont drogués depuis l'âge de 8 ans, ils ont absolument rien à perdre, enfin ce sont plus des hommes, quoi, vraiment, quoi. Ont vraiment peur. Donc, ça m'étonne pas que nos amis du Sud, nos amis portugais, hein, d'origine portugaise, alors, dans la zone en question, juste je coupe, hein, dans la zone en question, les trois principales origines des populations, c'est italienne, portugaise et allemande. Hein. Avec même des endroits dans ces trois régions, à Santa Catarina, il y a même encore des villages où on parle allemand. Donc c'est ouais, pour non, mais, ouais, ouais. Non, mais c'est près de l'Uruguay de toute manière, hein. C'est, voilà, c'est frontalier avec l'Uruguay, l'Uruguay, voilà, qui est rempli de germains, quoi, hein. Les meilleurs, ouais. En plus, hein. Oui, oui, l'Uruguay, oui, c'est la Suisse de l'Amérique du Sud, hein. C'est, ouais, c'est vraiment... Ben, en plus, oui, tu as certaines populations qui sont arrivées, voilà, au bon moment, quoi. Des bons migrants. Des bons migrants, exactement. C'est intéressant de voir comment. Alors oui, alors le Brésil qui est présent. Alors c'est marrant parce qu'en France, moi je pense que c'est important de dégueuler sur le Brésil, très important, parce que c'est l'enfer qui nous attend si on laisse les socialistes et les politiciens en général piloter l'Europe encore un peu trop longtemps. C'est-à-dire que c'est la négrification totale, le métissage affreux qui entraîne ensuite les phénomènes de désarticulation complète de la société. Alors là-bas, le Brésil, c'est quand même 60 000 meurtres par an, hein. On est sur des chiffres hallucinants. C'est-à-dire que tous les 10 ans, t'as plus d'un million de types qui meurent dans ce truc-là. En un siècle, vous obtenez le chiffre magique, hein. Voilà, c'est ça, effectivement. Effectivement, et c'est ça qu'on nous vend donc comme une démocratie multiculturelle avancée. Tu as les meurtres. Ok, bon, là, c'est vrai que la plupart du temps quand même ils ont la politesse de se tuer entre eux. Mais oui. Mais c'est au-delà des meurtres, tu as la routine économique qui fait que tu es tout le temps en train de payer des impôts pour les nourrir, quoi. Ce sont des bons rien. Oui, il y a quand même un truc, c'est le foot. Hein. Et là, on voit aussi notre oligarchie médiatique de journalistes. Quand il y avait eu on avait déjà parlé ici des Jeux Olympiques, mais il y avait eu aussi la Coupe du Monde en 2014. Et quand l'équipe du Brésil s'était pris une fessée en 7-1 à domicile par l'Allemagne, que t'es pas totalement 100% teutonne peut-être, mais enfin qui était assez intéressante tout de même et qui avait une bonne base ethnique. 7-1 à domicile et on voyait les journalistes pleurer, hein, quasiment, les Christophe Joss, etc. Ils étaient aux larmes. Hein. Là, c'était toute leur passion éternelle. Pour là, c'est intéressant parce que en début de deuxième partie, on va parler football justement. Les Français, enfin les commentateurs sportifs et le gouvernement français, ils ont une sélection très claire pour les compétitions internationales de football. C'est-à-dire, numéro 1, équipe de France. Enfin, les nègres qui servent de footballeurs à l'équipe de France. Numéro 2, le Sénégal. Obligé, hein. Si ces deux sont éliminés, c'est le Brésil. Donc, ça suit une logique, hein. Le Sénégal ou quelques pays africains, il y a un petit peu de... Non, oui, la Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Le Des Cameroun. fois Anciennes le Cameroun colonies, aussi, le Cameroun parfois. voilà les belles productions du colonisme français. Hein. Voilà. Les lions indomptables du Cameroun. Ah, puis alors, ils aiment bien, ils ont toujours des noms pas possibles, genre les lions, comment, les zébus, par Mais contre, j'aime les nègres, ça, alors les que vraiment, ça paraît Fennecs, mieux, quoi. Les Fennecs algériens. les ouais, ils ont l'odeur, Mais effectivement, les Fennecs, oui. pour reparler du Brésil et du foot, 2 secondes, moi j'ai une petite théorie qui m'appartient. Je laisse aux auditeurs le soin d'y réfléchir. Je pense que si le foot a été choisi comme le sport des mondialistes, parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils ont mis des ronds, parce que tout ce qui s'est passé avec le foot, cette évolution au point que ça devienne le sport numéro un et tout, ça s'explique. Il y a des raisons intrinsèques à ça. C'est vrai que le foot permet à tout type de gabarit de développer de développer ses potentialités. Enfin, il y a quelque chose d'universel dans le foot. Ça, c'est vrai, mais je pense que c'est parce que les Brésiliens étaient le pays du foot et que le Brésil est le pays du métis, le pays du multiculturalisme par excellence, que ça a été choisi au détriment d'autres sports collectifs. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec le foot. Et pour parenthèse fermée sur le foot, je voudrais quand même préciser, on en avait déjà parlé dans une autre émission. Mais le Brésil, donc en dehors de ces 3 États du Sud là qui, je l'espère, obtiendront leur sécession un jour ou l'autre, mais le Brésil, c'est les transsexuels, le pays, parce qu'on parle toujours de la Thaïlande, mais le pays avec le plus de prostituées au monde, le pays, une Brésilienne est une prostituée, c'est un pléonasme. C'est le pays du synthol pour se gonfler, pour se faire des faux muscles en mousse, quoi. Ah C'est oui. le pays aussi où on se fout du béton dans le cul pour se faire des culs un peu plus gros à la Kim Kardashian, là. Enfin, Kim Alors Kardashian, la pauvre. ça c'est intéressant, c'est-à-dire que ce truc des gros culs, c'est une obsession nègre. Oh. Si, c'est une obsession nègre, c'est-à-dire que c'est horrible, c'est laid, mais c'est vrai, il a raison, hein. Ah ouais, non, c'est dingue ça, c'est la sauvagerie nègre, horrible, terrifiant, terrifiant. Alors donc, C'est aussi le bon, pays, ouais. excuse-moi Gandalf, mais c'est important, c'est aussi le pays du syncrétisme religieux qui n'existe dans aucun autre pays, parce qu'il y a une religion là-bas qui est en pleine expansion. Je crois qu'il y a plus de 2 millions de pratiquants, qui est un mélange de vaudouisme et de chamanisme. C'est-à-dire Alors, que les types égorgent des poulets, boivent du sang de nourrissons tout en faisant le signe de croix, quoi. Ils sont oui, non, complètement ah oui, barrés, tout alors ça, en attends. sniffant de la pasta. Enfin, les types sont vraiment sont des animaux. Alors, Mais on en attends. avait déjà parlé dans une émission. Excuse-moi, Astérix, mais c'est le pays du syncrétisme religieux, oui, syncrétisme religieux vaguement chrétien. Les musulmans, eux, qu'on a par exemple chez nous, c'est du syncrétisme religieux entre leur machin islamique coranique, si tu veux. Ouais, leur paganisme qui fait qu'ils ont peur des djinns. Chamanisme. Ouais, leur chamanisme, quoi. Leur chamanisme. Et donc, voilà, nous, on a un petit peu, avec nos Algériens, on a un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner au niveau spirituel. Voilà. Bon, chers amis, après avoir dit tout le bien qu'on pensait du Brésil, je vous propose une pause musicale et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission, qui, vous allez voir, sera tout aussi intéressante, je veux le croire, que la première. On va revenir notamment sur les épisodes de guérilla urbaine qui ont eu lieu à Viry-Châtillon, et on va en discuter très librement. Et avant ça, on va faire une pause football. On a commencé à esquisser le truc déjà. Tout de suite, pause musicale. À tout de suite. Dis-moi, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu pars pas? Pourquoi t'es chez moi? Qu'est-ce que tu fous là? Dis-moi, pourquoi t'es ici? Pourquoi pas ailleurs, sans même dire merci pour ta vie meilleure? Dis-moi, pourquoi tu vois pas qu'on veut pas de toi, qu'on vous a trop vu grouiller dans nos rues? ça. Tu dis que t'es chez toi, tu dis que c'est la loi, tu dis que t'as le droit. Et là tu crois qu'on va rester sans rien dire. Ah oui tu crois, je vais rester planté là, à vous regarder nous envahir et vous installer chez les Gaulois. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'arrêtes pas? Tu fous tout en l'air, ça a l'air de te plaire. Pourquoi? Pourquoi tu comprends pas? Que j'en ai marre des fois de voir vos gueules de rats juste en bas de chez moi. Et là tu crois qu'on va jamais. Ah oui, tu crois, je vais rester planté là, à vous regarder tout démolir et tout ça le péché les Gaulois. Et toi, débarquer ton navire, tu veux pas repartir là-bas, t'as pas d'avenir, tu vas me faire chialer. Et moi le vrai français, moi tu y as pas pensé, moi tu m'as juste laissé le droit de la fermer. Et tu crois pas que je vais rester sans rien dire. Ah tu crois pas, je vais rester planté là, à regarder mon pays mourir et devenir. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission, sans transition aucune. On va discuter football, maintenant on va parler sport. Et c'est Alexis, qui nous a suggéré ce sujet. Il l'a lu dans la presse aussi, hein, dans le journal L'Équipe, me semble-t-il. Alors, de quoi s'agit-il, cher Alex? Il s'agit d'un article de l'équipe.fr qui reprend une étude de l'Observatoire du football qui s'appelle le CIES et qui parle de la nationalité des joueurs qui jouent donc en équipe première dans les clubs européens. Alors les clubs sont européens, les joueurs pas forcément, mais évidemment le critère qui est retenu c'est la nationalité. Donc on en voit des statistiques, alors on nous dit que par exemple pour la France, Nancy a fait jouer 92% de joueurs français, nationaux, 92% du temps, que Guingamp a fait jouer des joueurs nationaux trois quarts du temps sur ces 20 dernières années, Angers 77%, Caen 85%, Bastia 89%. Alors évidemment, sur le critère de nationalité, on peut leur donner raison, enfin en tout cas, sur la seule nationalité de papier, c'est extraordinaire, c'est des patriotes en acier trempé, voilà. Quoi. Alors il y a beaucoup de patronymes, ce ne sont pas des Martins, ce ne sont pas des Le Marchand, ce sont plutôt des Diallo, des Camara, des Traoré, ces gens-là sont français, Amara, semble-t-il. Aradama, je sais plus quoi. D'accord, continue, ouais, c'est autant pour moi. Voilà, donc en fait, après on nous dit, oui, mais vous savez, le PSG n'a fait jouer que 35% de joueurs étrangers, etc. Non, n'a fait jouer que 35% de joueurs nationaux, donc deux tiers des joueurs sont des étrangers. Oui, deux tiers des joueurs sont des étrangers, mais quand on regarde leur effectif actuel, par exemple, leur effectif est blanc, en fait, très largement. C'est quand même, effectivement, ça prête à la réflexion, on va dire ça comme ça, que club comme le PSG et des joueurs à majorité étrangère, donc on est en France, hein, pays européen, joueurs à majorité étrangère, majoritairement blancs, et que des clubs comme Guingamp, alors là j'ai explosé de rire hein, quand tu m'as dit ça, Guingamp qui a fait, si je sais pas si tu peux me rappeler le chiffre, Trois quarts du temps, ce sont des joueurs voilà. nationaux qui jouent. Voilà, depuis 20 ans, Guingamp fait jouer les trois quarts du temps des joueurs nationaux. Alors que je crois qu'il y a 4 blancs dans l'équipe, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, Pas dans l'équipe, pas dans le 11, hein, non, non. Dans les 22, dans les 22, quoi. Voilà, il y a 4 plus le blancs, staff, mais plus les le 4 staff. blancs, ils sont là depuis 20 ans. Il y en a eu un, tu vois, en 90, un en 97, un en 2007, et voilà. Guingamp, c'est l'équipe B du Sénégal, quoi. Non mais eux ils ont carrément, je veux dire à Guingamp, ils ont carrément créé un village africain à l'entrée du bourg, moi je peux te le certifier, Alors, hein, les... c'est particulièrement beau, t'as Guingamp, t'as Rennes, t'as Lorient aussi, et c'est vrai qu'ils ont des équipes très françaises, quoi. Alors, un petit message parlons un petit peu subliminal de. qui va vous donner peut-être un petit peu de matière à réflexion là encore, sur l'article là encore. On nous parle de l'Udinese, et donc de la ville de Udine qui est dans le nord de l'Italie, et on nous dit que Udinese n'a fait jouer que 1% du temps des joueurs italiens. Bon. Ah Alors, oui, mais ça nous oui. laisse un peu dans le flou parce que Oui, pour les parce que mêmes voilà. raisons. Mais ceci étant dit, alors là déjà, parlons des clubs bretons. Alors, Lorient, les Merlus de Lorient, vous prenez une photo, regardez la gueule des mecs. Je suis même pas sûr que les types aient dépassé le néolithique. Hein. Regardez les faces. Bonne chance. Mais non, mais ils Rennes, sont Rennes. tellement. Non, attends, attends, Non, attends, mais attends. Rennes, c'est juste odieux. C'est-à-dire que. Je veux dire, je sais pas comment ils font pour jouer au foot. Enfin, quand il fait sombre, je sais pas. Quand tu prends le Guingamp, c'est C'est les ultra. yeux, Faut voir là. ils se repèrent aux yeux et aux dents ça, qui Voilà. brillent, elles sont fluorescentes. Mais non, ils n'arrivent même pas à se repérer aux yeux parce qu'ils ont même le blanc des yeux qui est jaunâtre. Ah. Exact. Alors Guingamp, il faut connaître Guingamp. Hein. Guingamp, faut y avoir été. Vous allez dans le centre-ville, c'est. Vous ne savez même plus localiser des trucs. Les mecs ont des couleurs de peau. Je crois même pas que dans la. Invraisemblable. Faut pas déambuler la nuit là-dedans, hein, parce qu'il y a eu plein d'histoires et tout. Les nénettes qui déambulaient dans les rues là-bas finissaient entre quatre nègres avec des couteaux et tout. C'est rempli dans la presse d'histoires comme ça. Et alors Guingamp, ils s'en font une fierté, hein. C'est communiste parce que c'est un tout ça cette zone est communiste là dans ce secteur précis de la Bretagne dans le nord là de la Bretagne c'est un trou à rouge et alors là ils sont contents avec leur négro et alors sur le drapeau du club ils vous ont foutu un triskel qui est le symbole des Celtes. Alors voilà, je reviens toujours à mes vieilles lubies. Voilà. Alors les Celtes noirs, là, les nègres celtiques de l'équipe de Guingamp, formidable, extraordinaire. Là. Et alors ils sont. Alors il y a, vous avez rappelez-vous, hein, la Coupe de France de je sais plus quelle année, tu vois, derby breton. Hein, c'était que des tribus africaines en train de s'affronter sur le terrain. Voilà, c'était assez Alors, extraordinaire. Alors l'histoire ne dit les pas. clubs bretons, j'aime autant vous dire que je chie cordialement dessus. Voilà. Mais Alors, Gandalf, est-ce que. excuse-moi, on est quand même tous des Africains, on n'est pas des Gaulois. Enfin, on nous l'a dit l'autre jour, non? Donc c'est normal, Ah oui, non? non, mais moi, Ah oui, berceau de je l'humanité, m'exprime. Gandalf. Eh ben voilà, Alors, moi. Gandalf, toi qui as l'air quand même assez au courant de Oui. l'actualité hein, de cette région-là. Oui. Oui. Est-ce que lors de la finale Guingamp-Lorient, est-ce qu'on a vu des marabouts venir lever les fétiches autour des cages de but, je ne sais pas, pour exorciser le malin, le mauvais génie? Je ne sais pas, peut-être. Juste Je après la loi de sais même Leroy, pas. qui est venue Je chanter sais pas le parce gros que même smabo. là-bas, les curés sont des nègres maintenant. Hein, faut savoir, c'est que Ah, d'accord. non, mais c'est des villages africains. C'est négrifié. Je veux dire, tu te balades. Ah bon, je vous le recommande pas, mais vous baladez dans les campagnes là-bas, il y a des nègres qui déambulent sur les bords des routes, hein, des fois. Hein. Vous savez pas, ils sont Gandalf, là. Gandalf, c'est un fantasme, ça. C'est les fantasmes de la droite, ça, non? Ouais, c'est pas bien. Hein. Ouais, Bon, admettons. Bon, alors Astérix, ouais, parle-nous de ce formidable. Parce que non, maintenant redevenons un peu scientifique, un peu sérieux. Surtout les championnats européens. Il y a des championnats très avancés comme le championnat anglais ou le championnat espagnol. Il y a très très peu de nègres, hein, Bah, objectivement. justement, ce qui est marrant, c'est que moi, bon, je connais bien le foot. Donc, l'Udinese, c'est effectivement peut-être l'équipe italienne dans laquelle j'ai vu le plus de noirs. C'est-à-dire que des fois, ils peuvent proposer un 11 de départ avec 4 Africains. Et par rapport au quota français, par rapport au standard français, c'est ridicule. Parce que 4, c'est un maximum pour l'Udinese. Et de toute façon, en Italie, tu ne peux pas présenter une équipe avec plus de 4 noirs. Sinon, ton stade est déserté. Tu n'as plus que 3 communistes et deux socialopes dans le stade, quoi. Et Roland Courbis. L'Udinese est quasiment, c'est un club de blancs, et ils vont nous dire qu'il n'y a qu'1% de locaux, quoi. Enfin bon, moi j'avais une anecdote, enfin j'en ai deux en réalité. Toi là, tu parlais de la Bretagne, bon, ça te tient à cœur. Moi je voudrais parler de Lyon, parce que Lyon est le club qui forme le plus professionnel avec le FC Barcelone, qui vend le plus de joueurs professionnels partout en Europe. C'est un club formateur. Et l'Olympique Lyonnais, avec Aulas, Lacombe, tout ça, se gargarisent de leur formation de joueurs locaux. Ils insistent sans arrêt, ils disent « Nous, on s'appuie sur notre région Rhône-Alpes, qui produit énormément de bons joueurs ». Et on les transforme en professionnels et en excellents joueurs. Ce qui est vrai. Mais ce qui est marrant quand ils parlent de joueurs locaux, c'est qu'il n'y a pas un seul. Vous regardez les 15 meilleurs joueurs que l'Olympique Lyonnais a formés ces 10 dernières années, il n'y a pas un seul blanc. Pas un seul. C'est Benzema, Ben Arfa, Fekir, Tolisso. Je peux vous faire la liste. Il n'y a pas un seul blanc. Ouais, recrutement 100% local. Non, mais il y en a eu quelques-uns, mais effectivement, ils sont pas dans les plus connus. Ouais, Jordan Ferry, etc. Mais pour revenir à l'article, il semble il y a un message subliminal, on dirait, parce qu'on justement on parle de l'Udinese, mais dont les couleurs sont noires et blancs. Dès l'illustration de l'article, c'est Cyril Théraud, qui est un joueur blanc d'ailleurs, européen, et qui joue à l'Udinese en ce moment. Mais justement, la fin de l'article, c'est l'effectif des noirs et blancs, donc pour parler de l'Udinese, est en effet composé d'une écrasante majorité d'étrangers, à tel point que, bon, bref. Donc en fait, les noirs et les blancs, c'est eux qui en parlent, alors c'est eux qui racialisent le débat, on dirait. Ah bah oui, mais ils penseraient ça, de toute façon, je veux dire, ils sont comme nous, hein. C'est-à-dire, simplement, ils n'assument pas, quoi. Moi, j'assume le fait de pas être daltonien, quoi, tu vois. Donc, par rapport à cette énorme confusion qu'il y a entre Français de papier et Français de race, j'ai une anecdote que je dois vraiment vous livrer, elle n'est pas piquée des hannetons, vous allez voir. J'ai lu, on a tous nos moments d'égarement, j'ai lu le bouquin de Domenech. Tout seul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait sorti un bouquin il y a 4-5 ans pour expliquer le grand négrificateur en chef. Voilà. Donc j'étais en plein égarement, je ne vous le cache pas, vous me pardonnerez, je l'espère. Mais j'avais pas compris qui était Domenech à cette époque-là. C'est en lisant son bouquin que je l'ai compris. Et alors il y a une anecdote ahurissante dans le bouquin de Domenech. Essayez de la trouver en PDF, essayez de l'isoler. Si on a des auditeurs qui peuvent nous trouver ça et nous le poster dans les commentaires de la vidéo, ça serait sympa. C'est une anecdote où, en fait, un jour, Domenech est sur le banc d'entraîneur, quoi. Et puis, d'un seul coup, il voit un noir, je ne sais plus lequel, un des noirs de l'équipe qui lui fait des grands signes, comme ça, en rigolant, et qui arrive vers lui, « Coach, coach, coach !» Et Domenech lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Et le négro explose de rire et il lui dit, vous avez rien remarqué? Et Domenech, il dit, non, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il n'y a pas un seul blanc dans l'équipe. On n'est que des noirs aujourd'hui. C'est-à-dire que même le négro, ça l'a choqué, quoi. Et Domenech, lui, la bouche en cœur, il n'avait rien remarqué, quoi. Que des noirs. Un 11 intégralement noir. Donc ça, c'est vraiment... C'est bien révélateur du problème. Ah bah en ce moment on n'est pas avec comment il s'appelle Deschamps qui avait recruté, on avait déjà parlé de tout ça lors de l'Euro, etc., qui avait pris dans son équipe énormément de joueurs africains, quitte à mettre de côté curieusement quelques maghrébins, comme Ben Arfa ou Benzema, pour des bonnes raisons. C'est curieux, ça. Mais là, il avait pris comme joueur de substitution pour compléter le groupe Prenel Kimpembe, ou je sais pas, un joueur du Paris Saint-Germain qui a joué quoi une douzaine de matchs, où d'ailleurs la plupart du temps il a commencé sur le banc, donc il n'a absolument pas sa place parmi les joueurs importants de Paris. Mais non, non, il est quand même français, il joue pour l'équipe de France et, Faudrait les, avec leur patronyme et tout, faudrait les comme les papillons, faudrait les épingler sur des tableaux avec les noms, faudrait les garder quand même, comme ça, parce que il y a plein de sortes comme ça qu'on connaît pas, ils ont des types, des formes de crânes bizarres, ils sont particuliers, il y en a plein de sortes, quoi, vous voyez. Mais bon, je désespère pas, hein. c'est une nouvelle voie pour la science. Mais d'ailleurs, je crois qu'on parlait du bouquin de Hollande tout à l'heure. Hollande apparemment a eu une phrase un petit peu malheureuse, entre guillemets. Il aurait dit que les joueurs n'étaient pas très de foot n'étaient souvent pas très intelligents. Non Ce qui mais est oui, con. non, mais Hollande là, on l'a dit, hein, Hollande il est en mode fascisme en ce moment, donc il veut Ouais, faire peut-être oublier qu'il. qu'il est de gauche. Bon, bah, je sais pas si ça a trop Ouais, marché, il mais veut bon, s'excuser. Bon. il veut Bon, s'excuser, bah excusez, écoutez. excusez-moi du mariage des PD, excusez-moi des migrants, excusez-moi si. Ouais, non, mais t'es gentil, Il y a quoi. un truc que je lui pardonnerai jamais, moi, c'est d'avoir fait de Trierweiler quelque chose. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve. C'est trop. Pour moi, c'est parce que. Alors, elle. Alors, mais justement, parce que vous savez, jadis, bon, on a eu trois phases. On a eu la première phase, c'est quand les bonnes sœurs allaient en Afrique vacciner les nègres, première phase. Bon, ça se tenait encore à peu près, c'est à peu près cohérent. C'est-à-dire que, bon, c'était. Voilà. Ah, je crois que je vois où tu veux en venir. Voilà, la deuxième phase, c'était, comment dirais-je, la période socialo, French Doctor, Kouchner. Donc on va sauver les négros, mais on oublie la religion, et puis voilà, on se trouve une cause à défendre. Et maintenant, la troisième phase, tu payes des vacances à des nègres en Normandie. Et là, il y a Trierweiler qui affiche sa gueule avec des négrillons partout. Elle est aux anges, etc. Et là, tu dis, putain, mais fin de race, mais fin de race. Et puis, elle est fière, toi. C'est spécieux. Donc tout ça organisé par le Secours Secours Populaire. populaire, là, bien sûr. Alors, et là, tu vois, en fait, c'est une façon de montrer qu'elle est vraiment dans la bonne société bourgeoise. En fait, sortir les nègres à la plage, c'est un marqueur de comment dirais-je, de haute valeur morale. Voilà, ça fait partie, tu vois, de la panoplie du bon bourgeois de 2016, quoi, voilà. Donc rien que pour ça, François Hollande, excuse-moi, mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pas avoir de mots Il y a élégants 20 là. ans, il fallait se trimballer son chien de race. Il y a 20 ans de ça, les bourgeois, il fallait qu'ils se trimballent leur chien de race. Vous savez, les chiens que moi je trouve ignobles, souvent avec des gueules super fines, des rachitiques. Bah là, aujourd'hui, il faut qu'ils se trimballent leur petit nègre, leur petit négrillon venu d'une tribu non répertoriée. Plus la tribu est reculée, plus c'est hype, quoi. Tu vois, c'est comme t'as trouvé le diamant rare, quoi. Ah ouais, ah bah ça en ce moment là. Mais là, la France, là, ça innove à fond, là, je peux vous dire que. Enfin bon, alors, deuxième partie de notre deuxième partie, c'est ce qui c'est les événements donc de Viry-Châtillon. Donc événement assez impressionnant, hein. C'est impressionnant mais assez commun, désespérément commun d'une certaine façon. Mais enfin, là quand même, il y a eu quand même des blessés, il y a eu des images, c'est quand même ça a choqué l'opinion publique relativement, ou disons, c'est une piqûre de rappel, je sais même plus comment le présenter. Alors. Rappelons les faits, et j'ai trouvé un article qui était assez parlant parce que c'est un témoignage direct des gens qui l'ont vécu. C'est passé sur Europe 1 notamment. Alors je vais citer donc, c'était dans Le Figaro, c'est Le Figaro qui rappelait ça. Alors je cite l'article, je lis l'article directement. Hier, nos confrères d'Europe 1 ont pu interroger l'une des victimes, donc un des policiers qui a été agressé dans les véhicules en question dans cette commune. Ils nous foncent dessus, ils agressent ma collègue et ils nous jettent un projectile enflammé dans le véhicule. Là, je me dis, si je ne sors pas, je vais mourir. Alors je hurle à ma collègue, il faut sortir, il faut sortir. Il y a des projectiles qui ont éclaté dans mon dos, je sens la chaleur du feu. Ma collègue qui est chauffeur, ils lui ont mis plusieurs coups de poing dans le visage, confie-t-il, avant d'ajouter, je me souviens de sa tête qui faisait des allers-retours. Avec le recul, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Il voulait absolument la mettre KO parce qu'elle, pas qu'elle en réchappe. Il se souvient des gens qui leur ont dit plus tard, il fallait tirer. Des gens qui, enfin, le policier se dit, se rappelle des personnes qui nous ont dit, il fallait tirer, quoi. Mais le policier explique qu'ils étaient assis et que leur ceinturon étant à plat, ils n'avaient pas accès à leurs armes. De toute façon, vous pensez d'abord à vous extraire d'un véhicule en feu. continue-t-il, quoi. On arrive par chance à sortir, car eux, donc les négros, quoi, les négros, les bougnoules surexcités, ils nous ont agressés lâchement et ont pris la fuite ensuite. Donc voilà, ça c'est les faits à vif, tel que raconté par une des personnes, un des policiers qui en a réchappé. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ça, cette tout de suite, juste sur les faits, ensuite on va continuer, hein, mais voilà, les images, les véhicules incendiés, les images des flics brûlés, hein, c'est disponible sur YouTube, on les voit, il y a un des flics qui a la moitié du visage qui est noir, quoi, c'est-à-dire qui a été brûlé par le liquide inflammable qui s'est répandu sur toute la moitié de son visage. Malheureusement, le pauvre homme, je pense qu'il sera marqué à vie. Qu'est-ce que vous en dites de ça? La ville, c'est à quel endroit, tu as dit, Gandalf? Viry-Châtillon. D'accord. Dans l'Essonne, ouais. C'est près de. Dans l'Essonne. Je crois que c'est très près de Grigny. Grigny, c'est la cité. C'est voisin. Évry, Grigny, Viry, tout ça, c'est 94. C'est 91, il me semble. Hein. L'Essonne, oui, 91-94. De toute façon, c'est deux tout petits départements qui se touchent. C'est des coins où les flics, généralement, n'interviennent pas. Alors, je sais pas ce qu'ils sont venus se faire ici. C'est des cités où les mecs tirent au mortier. Rien qui ne dénote de l'ordinaire. Rien de nouveau, mais une volonté de tuer, là, quand même. Hein, oui, bon, ça fait quelque temps qu'on a remarqué que les halogènes deviennent de plus en plus agressifs, hein, surtout quand ils sont aromatisés d'une petite teinte musulmane, hein, n'est-ce pas? On a vu à Nice, on l'a vu un petit peu partout. Il faut quand même rappeler, pour ceux qui nous écoutent, ils le savent, mais enfin, on l'oublie. À cause de ces faits-là, c'est qu'on est en plein état d'urgence. Oui. Donc en fait, qu'on soit en état d'urgence ou en état de rien du tout, ça change strictement rien, c'est les bougnoules font ce qu'ils veulent. On l'a vu tout à l'heure avec les prières de rue, des mecs qui se sont fait fermer la mosquée, ils sont là. Qui vient leur dire quelque chose? Personne. Et moi, il y a un truc qui me catastrophe par rapport à tout ça. C'est la réaction du français lambda, donc on s'entend ici, hein, le français lambda, c'est un français blanc, gaulois, de père en fils depuis Vercingétorix. Et il y a un vrai problème, c'est que le français de lambda n'est pas choqué outre mesure. Parce que vous savez, on a ce vieux fond anti-flicard, anti-flicaille. En France depuis Coluche, qui a été animé par tous nos humoristes. Enfin, on est un pays comme ça. On n'aime pas qu'on nous dise où est-ce qu'il faut pisser. On n'aime pas qu'on nous impose de mettre la ceinture. On est le seul pays d'Europe où on se fait des appels de phare pour prévenir qu'il y a les flics au rond-point. Hein. Bah, en Allemagne, si vous faites ça, faire des appels de phare pour annoncer que les flics sont au rond-point, vous collaborez tout simplement à la criminalité. Vous êtes vu comme un enculé, un enculé de criminel. En France, tout le monde le fait. Et ce fond anti-flic, on le retrouve même lorsque notre police est confrontée à des sauvages, à des macaques qui les brûlent vivants, qui les immolent par le feu. Et là, c'est vraiment abject. Moi, j'ai eu des réactions de chez mes proches qui m'ont vraiment choqué, quoi. Des gens qui disaient « Ah, c'est pas si grave que ça, c'est du poulet grillé. » Vraiment de la réaction de merde, quoi. Parce que les gens, on peut être un petit peu anard, on peut un petit peu chier sur les flics, c'est le fond gaulois, on est comme ça. Mais bon, là, on a affaire à des macaques venus de la jungle équatoriale. Et on va pas défendre des flics qui pourraient être nos cousins, enfin qui sont les nôtres, quoi, et qui malgré tout le mal qu'on peut en dire, ils arrêtent quand même plus de violeurs que de racistes par jour, quoi. Enfin, je l'espère, en tout cas, j'ai pas les statistiques. Mais non. Bon, moi je vais pas faire dans l'anti-flic flicardisme, mais c'est quand même les bons tapins de la République, tu vois, qui te font avaler c'est eux qui c'est le bras séculier, on va dire, de l'ordre antiraciste. C'est eux qui, je me rappellerai quand même des identitaires, des 20 malheureux identitaires qui ont eu le malheur de faire une manif à Calais contre la situation là-bas, l'invasion totale. L'anarchie complète, l'impunité des nègres, des Irakiens, des Afghans, de toute la pouillerie qui dégueule là-bas. avec les juges rouges qui les lâchent en permanence. Fallait voir l'interpellation, de voir la violence des flics sur place, de voir les poulets interpeller 20 petits jeunes, tu vois, 20 petits blancs, tu vois, qui essaient encore de défendre un petit peu ce qu'il y a à défendre là-bas, de voir la brutalité, de voir le plaisir même de ces fils de pute avec leurs brassards rouges. Moi, je suis désolé, quoi. Je veux dire, tu peux dire, voilà, moi, je fais le boulot, j'applique, mais tu vois, sans elle. Et là, tu voyais bien que tous les poulets qui étaient dans l'affaire, ils prenaient plaisir. Tu voyais qu'ils prenaient plaisir. À Calais, qui comporte aujourd'hui pratiquement 15 000 afro-musulmans, des mecs, enfin, justement, enfin, c'est l'enfer. Dans ce contexte-là, tu vois, de faire du zèle anti-raciste, ça confine juste à la saloperie, quoi. Alors après, moi, je vais m'expliquer aussi. Je dis pas que tous les flics sont comme ça. Je dis pas que les flics qui sont en patrouille dans leur bagnole, dans une banlieue pourrie d'Île-de-France, ou dans la BAC, sont comme la police qui travaille à Lille ou à Calais, etc. Je suis pas en train de dire ça. Donc, faut bien m'entendre. Ceci étant dit, justement, il faut nuancer, mais il faut nuancer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui en chient dans les banlieues pourries. Et qui font leur job et c'est des braves types. Et puis il y a des ordures, voilà. Et il y a des ordures, la mauvaise police, quoi. On avait eu le cas à Paris, je sais plus. Il y avait un reportage un commissariat, une brigade où le mec avait. Ouais, c'était à haut niveau là. Il avait carrément un drapeau antifasciste, tu sais, le mec dans son. Ouais. Bon. C'était un très haut gradé de la police française à Paris et il avait le drapeau antifasciste dans son bureau. Dans les commissariats, les BR, hein, c'est quand même assez rare. Hein, Attends, vous arrête quand même. Les policiers, la police fait pas. C'est l'électorat en pourcentage. Avec les ouvriers, ce sont les gens qui votent le plus FN. Ils sont 40% de vote FN. Hein, c'est quand même beaucoup. Astérix, c'est pour ça que je te dis que c'était assez rare de voir un drapeau antifasciste dans un commissariat. C'est ce qu'il y avait eu au niveau. Excuse-moi. Là, en ce moment, les mecs qui sont dans tout ce qui est enquête, investigation, etc. Les mecs sont ultra occupés avec tout ce qui est... islamisme et compagnie. L'extrême droite, c'est le genre, il doit y avoir un mec qui s'en occupe, tu vois, dans un bureau parce qu'il a été puni. Mais. Ouais, mais justement, ça, il y a un phénomène, et ça, je parlais. C'est-à-dire que les types. Enfin, je ne parle pas des policiers, mais notamment des magistrats, donc je dévie un peu le sujet, mais on est dans le sécuritaire et tout. Les types, qu'est-ce qui se tape à longueur d'année? Les mecs sont des socialistes convaincus, pour certains des communistes, des mecs du syndicat de la magistrature. Bon, c'est une minorité ceux-là, mais voilà. Mais en général, ils sont de gauche, tous ces magistrats, ou centristes, mous, la Bérou. Les types, si tu veux, bouffent du clandestin, du Mohamed, violeur, braqueur, etc., et autres, ou d'islamistes, et si tu veux, pour eux, c'est tellement la réalité tous les jours, mais ça contredit tellement leur conviction profonde que quand ils ont le bonheur de tomber sur un pauvre nationaliste, tu veux, qui a fait une manifestation interdite, tu vois, ou qui a essayé de faire un sit-in et tout, alors là, le mec se dit, ah putain, j'en tiens enfin un, et là, le mec il en prend plein sa tête, et c'est l'ultra-violence, quoi. Et il y en a, faut pas le souci. Alors, je veux quand même rappeler que par rapport à ce qui s'est passé, on va revenir à Viry-Châtillon. Mais là, alors, on en revient à l'influence. J'attends, j'en reviens. Non, mais j'enchaîne. Autre détail sur l'affaire. Je cite la Roche à Today. De nouveaux détails ont émergé sur l'attaque au cocktail Molotov qui a gravement blessé deux fonctionnaires de police en mission à Viry-Châtillon. La femme aurait reçu plusieurs projectiles au visage entraînant de lourdes blessures selon le journal Le Point. Ainsi, plusieurs plaies d'entre 6 à 8 cm auraient été infligées par des jets de pierre à la femme policière alors qu'elle essayait d'éteindre ses vêtements en flammes à l'extérieur du véhicule. En plus des plaies, la femme pourrait aussi souffrir d'une fracture du plancher orbital. Donc, c'est-à-dire que la nénette est en flamme, elle est en feu, elle essaye de sortir de véhicule, et là, t'as ces putains de bouilloules et de nègres qui arrivent avec d'énormes caillasses pour lui foutre en plein dans la tête au point de lui fracturer le crâne à l'intérieur. Hallucinant, surréaliste. Officiellement, ce sont des jeunes. On sait qui c'est, on sait pas comment a dit le. Ah oui, c'est des jeunes, ouais. Pourquoi c'est des jeunes? Alors, ce sont des sauvageons. Ah oui, c'est Cazeneuve. C'est merveilleux, c'est quand même merveilleux. Des sauvageons. Non, mais moi je veux qu'on trouve l'identité de ces gens-là et qu'ils soient jugés comme. Alors, Nous c'est qu'il n'y a allons. pas la peine de mort. Je vous Mais il faudrait garantis que qu'on les. tous nos services vont tout faire pour retrouver ces petits Ouais. avortons. Voilà. Ils vont prendre. Alors, les mecs, tu vois, allez, hey, Les petits imagine. canaillous. Petit policier. Tentative d'homicide volontaire, etc. Les mecs, ce qu'ils vont faire, ils vont purger 3 ans, au revoir. Non, mais ils vont être Voilà. privés de dessert, je dirais. On va leur faire peut-être pampan cucu, c'est quand même important. Je dirais. Non, mais je veux dire, Non. les deux personnes sont brûlées. C'était brûlé, c'est ça le pire, parce que t'es brûlé, ça veut dire que tu vas porter ça toute ta vie. C'est tous les jours, tu vas te lever. Il faut voir le flic. Le flic, faut voir les images, elles sont sur YouTube, je le répète. Le type, tous les matins, il va arriver et c'est comme dans Batman, il y a pile ou face. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le type, lui, sa vie, c'est fini. Lui, il est marqué à vie, il peut plus s'en débarrasser. Les autres, 3 ans, 4 ans, en récréation là-dedans, c'est comme un gros centre aéré, hein, les prisons Ben pour les ouais, musulmans, et voilà. ils pourront approfondir leur apprentissage de l'islam, peut-être. Non, puis attendez, peut-être que d'ici là, un juge d'extrême gauche se sera rendu compte que les pauvres n'avaient pas eu l'occasion d'aller au ski, tout ça. Peut-être qu'ils ont aussi quelques vacances payées. Non, non, vous en faites pas pour eux. Non, faut se concentrer sur le pauvre policier. Qui, je pense, va d'ici peu se mettre à écouter démocratie participative. Hein. Lui aussi va devenir démocrate, je pense. Enfin, je l'espère pour Alors lui. ça c'est très intéressant parce que toutes ces victimes d'attentats ou ces victimes de violences ethniques, etc., que ce soit islamistes, des violences islamistes ou des violences ethniques, comment dire, souvent ce qu'ils font, parce qu'il y a une telle pression sociale, il y a un tel jargon qui est servi par leur hiérarchie, d'une part, par les psychologues qu'on leur colle dans les pattes, parce que Il passe systématiquement le par la gouvernement. machine à laver, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. On t'envoie ce qu'on appelle les psychologues. Alors, je peux vous le dire, parce que je le tiens de première main, que, par exemple, toutes les victimes du Bataclan, enfin, les survivants, sont traitées par une psychologue qui est une Algérienne. Donc, voilà. Algérienne ou algérienne C'est une. juive, parce Non, que. non, non, une Algérienne maghrébine, voilà. Et alors, et le boulot commence, et vas-y que je te, voilà. Alors. Et pas Et du coup, les. d'amalgame, mais attention, il faut Bah, faire la c'est paix, les voilà, bons sentiments. il faut pas alimenter la haine parce que ça va vous détruire au lieu de vous reconstruire, enfin toute la chiasse. Et donc les flics là, la logique voudrait, si tu veux, que les types, tu vois, ils prennent un calibre 12 et qu'ils aillent se faire justice, tu vois, en gros. Mais ils vont être pris en charge et puis machin, puis la République. Alors on va leur donner une médaille en chocolat là pour leur faire plaisir. Tiens, vas-y, merci pour la République. Cazeneuve va faire une pause photo. Alors le mec, il va être un peu déboussolé, etc. Non, mais t'en fais pas, on est avec toi, machin, truc, etc. La République. Et le type, tu vas voir comment, et combien de fois ça arrive, ça, d'avoir des familles de victimes ou les victimes elles-mêmes qui disent, je refuse d'être la caution pour une propagande xénophobe. Ça arrive, ça. Ça arrive vachement souvent. C'est-à-dire que les types, en fait, tu peux même pas leur en vouloir parce que, enfin, sauf pour quelques rares croisés idéologiques, la plupart d'entre eux, ils ont été tout de suite pris en charge. Encore en état de choc par les commissaires politiques du gouvernement, tu vois, qui lui foutent la soupe dans la tête. Et le type, en 48 heures, est métamorphosé. C'est-à-dire que le mec, il va te dire, tu vois, après être passé entre les mains de ces gens-là, il va te dire, n'oublions jamais que notre ennemi numéro un, c'est l'extrême droite. C'est fou, mais ça arrive. Après le Bataclan, moi, je l'ai vu, alors pour vous dire. Non mais Ah non, c'est mais à c'est cause, bon. j'en Cause des avais contrôles parlé. abusifs aussi, des contrôles abusifs sur faciès, etc. C'est à cause de ça qu'ils réagissent. Ah bah justement, là, t'as bien raison de le dire, parce que justement, il y a eu des reporters, je crois, de BFM, je crois, qui sont allés sur place, ou d'ITV, je sais plus. Je crois que c'est BFM, qui interrogeait. Bon, on va les écouter d'ailleurs. Allez. Maurice, bande vidéo. Allez, Maurice, balance-nous ça. Ce que les jeunes, ils ont fait, je cautionne pas. Mais c'est pas parce que je cautionne pas que. Je sais pas comment vous expliquer, Vous en fait. l'excusez, ça, ou pas? Non, Vous le comprenez? Moi, je le comprends. C'est Moi, je le comprends très bien, moi. compréhensible. Pourquoi? Ils viennent, ils nous contrôlent, ils nous parlent mal, ils font les malins. C'est-à-dire, ils nous bousculent, ils nous font des trucs de ouf. Il faut pas se plaindre qu'après, on pète les plombs. Comme j'ai dit, vous, n'importe quel citoyen lambda, il se mange le contrôle, un contrôle que nous, on se mange tous les jours par la BST. Mais demain, il va chez le psychologue. Pourquoi, quand il y a un policier qui est grave, là, ça touche tout le monde. Mais quand c'est un jeune dans une cité, oh, c'est un jeune dans une par cité. rapport à ça. Manuel Valls, on l'a jamais vu se déplacer quand il y a eu un jeune qui a eu un gros problème comme ça. On l'a jamais vu venir soutenir la famille. Voilà. Donc, bah, vous voyez bien, les mecs, pour eux, ils disent, voilà, en gros, Bah, on nous demande nos papiers, c'est normal qu'on crame les flics. Enfin, oui, en fait, déjà demander des papiers, c'est stigmatisé. Tu vois. C'est comme François Hollande qui dit que les femmes qui portent le voile ne sont pas vraiment françaises. C'est, on approche de la chambre à gaz, là. Hein. Non, mais vas-y, c'est avec ça. Non, mais de toute façon, ce que tu disais sur les flics qui ensuite arrivent même à en dire que. Enfin, pas les flics, les victimes du Bataclan qui vont poser l'extrême droite comme leur ennemi prioritaire. C'est la suite logique du syndrome de Stockholm. C'est, le syndrome de Stockholm, d'abord, tu te soumets à tes agresseurs et puis ensuite, tu te retournes contre les tiens. Tes agresseurs te retournent contre les tiens. Enfin, tu n'es plus qu'une poupée, qu'un jouet de tes agresseurs. Quoi. Donc, c'est ça. Ils sont touchés par le syndrome de Stockholm et puis à un niveau tellement pathologique qu'on arrive à en rigoler ici. J'espère qu'on arrivera à faire rigoler les auditeurs, mais peut-être que nos auditeurs policiers auront un petit peu plus de mal à en rire, ou ils riront jaune, mais bon. Bah, la question, c'est combien de leurs collègues devront se faire incendier vivants par des nègres et des singes agressifs avant qu'ils commencent à se poser des questions sur ceux qui leur donnent des ordres. Voilà, enfin, sauf s'ils sont candidats au suicide, hein, pour la gloire de la République et des valeurs, n'est-ce pas, du socialisme triomphant, mais enfin. Moi, je les invite vivement à s'interroger hein, sur voilà. Je pense qu'ils se posent des questions. Hein. Bon, ça, c'est sûr qu'ils s'en posent. Mais on voit souvent ça. Vous savez, il y a souvent des suicides comme ça dans les trucs. Ça, je comprends pas. On se suicide pas. Enfin, je veux dire, t'as envie de te suicider parce que c'est quand même un acte fort. Enfin, tu dis voilà, je me supprime, c'est fini, j'ai plus envie de vivre, etc. Attends. Moi, je pense qu'avant de se supprimer soi-même, quand on est au bout du rouleau, quand on est policier, après en avoir bavé. Je pense qu'il y a quelques clients, voilà, hein. Bon. Donc on peut emmener avec soi, ouais, je suis d'accord. J'ai pas dit ça, mais bon, je vois pas pourquoi retourner la violence contre soi prioritairement, vous voyez. Quand on est prêt à aller à ce degré de violence contre soi, moi je me pose des questions. Parce que le problème se passe à un autre échelon, à mon avis. Hein. Enfin bon, c'est une spéculation. Alors, sur ces entrefaites, enfin non, perdons pas de vue quand même les choses importantes. La classe politique a tenu à réagir et puis surtout ces phares quand même du progressisme hein, parce qu'on a toujours un temps d'avance, ces phares du progressisme que sont les écologistes ont tenu. Je croyais que c'était les catholiques, excuse-moi. Oui, mais oui, c'est juste, mais entre-temps, il faut pas oublier quand même que nous avons l'avant-garde de l'avant-garde du troupeau qui a toujours un temps d'avance. Alors ah, eux, c'est ils vrai, ont c'est vrai, c'est vrai. Il nous propose de sortir par le haut de cette de cet incident fortuit. Hein. Et alors là, c'est la députée, je vous donne son blaze, hein, la députée écologiste Eva Sass. Je ne sais pas d'où elle est, cette dame. Alors, je cite la presse. Suite au drame de Viry-Châtillon, où deux policiers ont été gravement brûlés après avoir été attaqués au cocktail Molotov par des jeunes, extraordinaire. D'une cité gangrenée par les trafics, ouais, et par les nègres aussi, les bougnoules, la députée écologiste Eva Sass propose, mettez vos ceintures, hein, de légaliser le cannabis pour assécher le trafic et éviter que les policiers passent leur temps à leur courir après. Enfin, ça, c'est extraordinaire. C'est... les mecs, oh, une réaction, allez-y, faites-vous plaisir. Je crois qu'elle doit être sur la ligne un petit peu de Gatignon, hein, dont on avait parlé oui, lors de l'émission. Alors, rappelle-nous. Rappelle-nous. Ben, Gatignon, c'est le maire de Sevran. Sevran. Ouais, qui faisait qui filait des terrains cadeaux pour l'ouverture de mosquées, de fait, pas de mosquées, d'écoles. Écoles salafistes. Ouais. D'écoles tenues par les salafistes dans lesquelles il n'y avait aucun contrôle de la part de l'académie. Tu vois, c'est un truc super sympa. Quoi. Et lui, il est sur la position de légaliser le cannabis parce que voilà, ça ferait chuter l'économie parallèle. Bon, alors que tu arrêtes le cannabis, les mecs ils vont se mettre à la coque et compagnie. Bon, non, mais c'est bien, voilà, pour lutter contre la criminalité, légalisons le cannabis. Super. Non, mais c'est extraordinaire. Enfin, franchement, t'as des femmes. Attends, en plus, c'est des féministes, etc. Tu sais, les écolos gauchistes. Parce qu'attention, c'est Emmanuel Cosse, hein. Emmanuel Grosse. l'énorme truie dégueulasse qui pèse un quintal et demi, si c'est pas deux, Emmanuel Cosse, dont d'ailleurs le mari est un pinneur pathologique. Ouais, satire. Satire. Il est un peu notre mascotte. Hein. Voilà, mais, voilà. Satire, ah, il est sur les, il est sur 0,8 sur l'échelle de Dominique Strauss-Kahn. Ouais, c'est, il n'est pas loin. Hein. D'ailleurs, ça se trouve, ils ont baisé ensemble. Enfin, ensemble, les mêmes putes. Hein. D'ailleurs, peut-être même la grosse cosse, hein, parce que Strauss-Kahn n'est pas difficile. Hein. Ouais. Lui, c'est n'importe quoi. Même de la, tu lui mets de la gitane à demi-moisie de 55 ans, lui, il prend. Hein. Il s'en fout. Bah, non, mais tu lui mets un bout de steak à peine coupé d'une bonne, du bon Normande. Le machin, il frétille encore, c'est bon pour lui, quoi. Enfin, voilà, donc ça c'est toute cette tribu-là. D'ailleurs, les compagnons de jeu hein, de François Hollande, hein, c'est sa majorité présidentielle, hein, c'est magique la présidence. Donc c'est cette clique qui te dit, alors donc t'as les types qui sont à moitié cramés vivants, et là ils te disent, ah bah la seule leçon à retirer de ce truc-là, c'est qu'il, c'est qu'il faut foutre tout le monde au cannabis et FISA pour pas que les bigots fassent barbeur là-dessus. Et évidemment, comme tu l'as dit, escroquerie complète, les types passeront du cannabis à la coke en passant par toutes les drogues de synthèse, etc., quand ça sera pas du braquage et autres, voire carrément du kidnapping, on n'en sait rien. Extraordinaire. Et par contre, une policière cramée vivante par des bougnoules agressifs, on n'a rien entendu de notre cher député écologiste, hein, qui d'ailleurs doit s'étouffer à chaque fois qu'un curé, quand ça existe encore, dit que peut-être l'avortement, à la limite, faudrait essayer de voir si on peut pas le limiter. Elle doit devenir folle. Par contre, il peut cramer des policières vivantes. Elle en a rien à secouer. Oui. Elle dit que c'est extraordinaire. Ben oui, les écologistes sont des pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est pas nouveau. Ouais, Charlie Hebdo oui. Demandait l'interdiction du Front National il y a quelques années. Bah, je crois que nous pourrions de toute façon demander l'interdiction de ce genre de parti. Hein, très clairement, avec un bandit. Ah ben non, parce que sinon, on est des fascistes. Tu comprends? Enfin oui, ouais. Moi je serais pour faire un convoi les Algériens, les Maliens et puis les écolos ensemble quoi, dans le même temps. Alors, j'ai une théorie là-dessus. Vincent Placé et... Chers amis, j'ai une théorie là-dessus. Puis en plus ça colle bien avec Emmanuel Cosse, vous voyez, parce que j'ai déjà les images en tête. Alors moi je dis que les grosses truies d'écologistes comme ça, alors c'est aller simple direction le Gabon, 30 nègres sidaïques pendant un mois non-stop. Hein. Non mais alors et ils sont payés à la tâche les mecs. Hein, alors excuse-moi mais ça n'est pas très réaliste parce que tu auras beau les payer à la tâche, au bout de 48 heures elle finira sur une broche et puis elle servira de repas de famille pour le mariage de Mamadou et Fatou, voilà. Ou payer bah, à la moi, tâche, moi je suis très très partisan du dialogue interculturel, donc moi j'ai rien contre a priori. Moi non plus, je trouve moi que c'est bon, bah voilà. Ben non, mais c'est une manière écologiste de régler problème, hein, le problème des écologistes, justement. je propose de faire des écologistes, de transformer les écologistes en merde de nègre. Non, de merde de nègre qui servira d'humus au baobab de leur bled à la con. Non, mais ouais, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Voilà. Emmanuel Cosse, tu serviras, voilà, tu fertiliseras la terre d'Afrique. C'est un destin qui est noble. La seule alternative que j'entrevois, c'est un wagon direction la Sibérie négocié avec le Kremlin. On va revenir au thème du début qui consistait à officialiser le cannabis, je crois, la consommation de cannabis. Ouais. Là, hein. Je vous rappelle une petite chose, une petite nouvelle qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est une information. Je n'ai malheureusement pas les références, mais plusieurs États européens ont intégré dans le calcul de la croissance le trafic de drogue qui se fait sur leur territoire. Avez-vous entendu parler de ça? Le trafic de drogue et la prostitution. La prostitution aussi. Exact. Dans le PIB. Ouais, là pour dire, finalement, on est plus haut que d'habitude. Bon, ça marche sur un an, hein. Après, ça marche plus. Hein. Ce qui explique le poids de la déclaration de cette grosse écologiste. C'est dingue. Si. Bah, c'est le progrès. Hein. Ça... Bah, de toute façon, les progressistes, ils progressent. Hein. C'est dans leur ADN. Hein. c'est vraiment fou. Parce que c'est les raisons qui donnent, parce que bon, le cannabis c'est un sujet dont on pourra parler dans une émission future, c'est un sujet qui peut amener une discussion intéressante, hein, à savoir si ça doit être dépénalisé ou pas, parce qu'il y a des arguments valables, mais là, ce qui est incroyable, c'est l'argument utilisé, c'est la soumission, en fait. Et bientôt, pour éviter les braquages, il suffira d'arriver dans une banque et de demander, de l'argent gratuitement. Enfin, c'est quoi la logique? C'est-à-dire que face à des criminels, tu retires leur délit de la liste de la liste des choses interdites pour que ne ce soit plus des crimes. Mais on va en arriver où tout ce qui n'est pas la charia sera illicite, tout ce qui est la charia illicite, et bien comme ça il n'y aura plus de crimes. Non, c'est-à-dire que la charia sera appliquée pour les mecs, pour les non-musulmans, et les musulmans sont dispensés d'appliquer la charia. Bah oui, ça c'est la charia. C'est vrai que les pauvres, il ne faudrait pas trop qu'ils soient... Qu'ils soient contraints, tu vois. Bon, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, tu prends les Algériens, les mecs qui sont en France, tu prends tous les mecs qui ont été condamnés pour vol, tu leur coupes la main, il y aura beaucoup de manchots. Hein. De toute façon, ils branlent déjà rien, alors que celui qui fait, ça part se branler, eux-mêmes. Hein. Bah oui, non, mais moi, bon, les mecs, tu vas croiser beaucoup de mecs avec une main. J'ai une petite proposition à faire au gouvernement socialope pour que les statistiques du crime baissent encore un petit peu plus, c'est brûler le code civil, le code pénal, pardon. Ouais, ils brûlent le code pénal, il n'y a plus de loi, et puis comme ça, il n'y a plus de crime. Ça serait progressif. Alors, sauf l'incitation à la haine raciale. Moi, évidemment. Je suis pour qu'on pénalise au plus haut point. Déjà, parle des blancs. L'haine raciale, mais seuls les blancs sont racistes, donc déjà il va falloir qu'on fasse quelque chose, hein. Comment des gens peuvent s'exprimer comme ça sur internet, déverser leur haine, hein, sur toutes ces populations innocentes du Moyen-Orient, d'Afrique, c'est intolérable. Attendez, ils ont bien commencé. Moi, dans la droite ligne de Daniel Cohn-Bendit, je propose, toujours dans le but de faire avancer l'humanité et notre société démocratique, de marquer au fer rouge sur le front toute personne ayant été condamnée pour un crime raciste ou un délit raciste ou un propos raciste. Au moins, le type, il pourra plus bicher comme il biche maintenant. Bien sûr, c'est le minimum. Même nous, à travers notre émission démocrate, on a essayé de discuter avec les racistes. On a essayé, même encore aujourd'hui, on discute avec Fulbert, mais c'est pas possible. On s'en rend compte, semaine après semaine, c'est les mêmes propos nauséabonds qui sortent de leur bouche. Donc, mettons fin à tout ça, brûlons le code pénal et marquons les racistes au fer rouge. Voilà. Brûlons les racistes, brûlons le code pénal et surtout augmentons encore le code du travail, hein, parce que voilà. Parce qu'il n'y a pas assez chers amis, sur cette note d'ouverture, cette note d'ouverture de main tendue libérale et d'amitié entre les peuples, je nous dis et je vous dis à la semaine prochaine. Je crois qu'on peut le dire. Salut. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission, j'en suis sûr, qu'il sera captivante, encore une fois. À bientôt, Freunde. Le bateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée, elle va bientôt s'installer, la diversité. Ils viennent reconstruire l'Occident, avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer, nos braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ses couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.